Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le traité de Rome et le projet de construction européenne. 12 pays d'Europe, votre Europe, fête le 30e anniversaire de la communauté que 6 d'entre eux ont instituée à Rome le 25 mars 1957. C'est une grande date, l'une des plus importantes de notre histoire. Le président français François Mitterrand, le 25 mars 1987, jour du 30e anniversaire de la signature du traité de Rome, c'est le 25 mars 1957 qu'est créée la Communauté économique européenne, la CEE, l'ancêtre de l'actuelle Union européenne. L'idée des 6 pays signataires du traité de Rome est de construire une Europe unie, économiquement d'abord, et de faire en sorte que les liens entre la France et l'Allemagne, le cœur de cette nouvelle Europe, soient si forts qu'ils rendent impossible dans les faits une nouvelle guerre entre les deux pays. Un traité, ou plutôt deux traités, 248 articles pour instituer le marché commun et 223 pour l'euratom, que ratifie ici le chancelier Konrad Adenauer, seul chef d'État présent ce jour-là. L'Allemagne donc, mais aussi la France, l'Italie et les trois pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Dans cette salle du Capitole, la mairie de Rome, par ce traité daté du 25 mars 1957, sont nées les institutions européennes. Dans la salle était présent un jeune énarque de 29 ans, auteur du préambule. La meilleure justification pour ces traités européens, vous savez, ça vaut tous les discours, c'était de dire, nous avons eu avec l'Allemagne 3 guerres, dont 2 mondiales, en moins d'un siècle. Ben, ça va comme ça, non ? On va essayer d'autre chose. Alors, dire la guerre est interdite, c'est très joli. Moi, je ne suis pas contre. Comme on dit, ça ne mange pas de pain. Mais il faut mettre en place un mécanisme qui empêche la guerre. C'est-à-dire que même s'il y avait des fous qui voulaient faire la guerre entre l'Allemagne et la France, ils ne pourraient pas. Je suis né en 1945, le 4 avril. J'ai été conçu par mes parents après, avec la première possibilité biologique, après le débarquement des Alliés en Normandie. Voilà quand j'ai été conçu. Eh bien, moi, je vais vous dire, imaginez que le 4 avril, j'arrive sur Terre et je commence à parler et je dis à mes parents, dans 50 ans, il n'y aura plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Le Rhin ne sera plus une frontière, mais un fleuve commun. Mes parents auraient dit, on a un problème. Il parle trop tôt et il dit n'importe quoi. Voilà l'histoire européenne. Voilà mon histoire. Extrait du discours d'adieu du député européen Daniel Cohn-Bendit au Parlement de Strasbourg le 16 avril 2014. Et juste avant, vous entendiez un reportage présenté au Journal de France 2 le 25 mars 1997, jour du 40e anniversaire de la signature du traité de Rome. Reportage dans lequel vous entendiez l'ancien ministre français et commissaire européen Jean-François Desnoyers. Deux archives qui permettent à la fois de revenir aux sources de la construction européenne, mais aussi de mesurer tout le chemin qui a été parcouru depuis la signature du traité de Rome le 25 mars 1957. Pour nous parler de ce projet, le construction européenne, de l'importance qu'a eu ce traité de Rome dans cette aventure de la construction européenne. Je reçois Joseph-Yvon Thériault, professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal et qui vient de publier le livre « 7 leçons sur le cosmopolitisme, agir politique et imaginaire démocratique », un livre dans lequel est abordé ce traité de Rome de 57 et le projet de construction européenne. Joseph-Yvon Thériault, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente, la signature de ce traité en 57, dans ce processus de construction européenne? C'est véritablement l'acte fondateur. Il y avait eu auparavant, en 51, un premier traité qui était par les mêmes 6 pays, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Pays-Bas, qui s'étaient réunis, avaient déjà en 51 un premier traité, mais qui était limité à l'acier et le charbon, qui était la communauté économique du charbon et de l'acier européenne, etc. Mais qui était déjà l'amorce, qui était l'ADN, le départ. Mais en 57, on élargit le traité à un véritable marché commun, donc à l'ouverture des frontières économiques à l'ensemble de ces pays et aussi des collaborations économiques de toutes sortes. Donc, c'est le véritable acte fondateur de l'Europe. C'est le véritable acte fondateur aussi parce qu'on formalise les institutions qui seront les institutions européennes. Le Conseil européen qui va faire office de gouvernement européen, la Commission européenne, le Parlement, Tout ça est déjà prévu dans ce traité-là. Tout ça est déjà prévu dans ce traité-là et ce sont à partir de cela que va, pendant les 40 ans et les 50 ans plus tard, se définir l'Europe. Ouais. Il y a, en fait, on parle toujours du traité de Rome, mais il y a cette CEE, la Communauté économique européenne, qui est créée, ce marché commun, à ce moment-là. Mais en fait, il y a deux traités qui sont signés en 57. Donc, il y a le CEE, qui est la Communauté économique européenne, qui est le marché commun, et le CEA, qui est la Communauté économique sur atomique. Oui. Et donc, c'est important parce que ça montre un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. Dès le départ, le premier traité était sur le charbon et l'acier. Oui. Et donc, on était en train de mettre en commun les ressources nécessaires de collaboration, les matières premières, en fait, d'une Europe qui commençait par les produits de base, le charbon et l'acier, dans une société industrielle. C'est l'essentiel. Ouais. Hein? Et donc, on mettait ça en commun. Après ça, on mettait l'énergie atomique qui allait devenir importante. Et donc, c'était vraiment le début d'une union européenne, mais qui commençait par une union économique. Il y a une stratégie, en fait. C'est ça. C'est facile avec le recul, mais on le réalise bien. L'acier et le charbon, vous le disiez, c'est deux matières. C'est la base de l'économie européenne de l'époque. Donc, on y va par étapes. Les pères fondateurs, les Schuman, les Monnet, les pères fondateurs de l'Europe, ils ont une vision. Puis on revient à ce qu'on entendait au début de l'émission. C'est le contexte d'après-guerre. Mais ils vont être très, très tacticiens. Ils vont y aller par étapes. Mais l'idée, globalement, c'est effectivement de sortir l'Europe de cette spirale qui a entraîné, la guerre de 1870, trois guerres entre la France et l'Allemagne. C'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Hein. C'est une idée très humaniste. La dimension économique, les dimensions des traités qui est à la base de ce qu'on construit est quasi instrumentale. Oui. Hein, parce que ce qu'ils veulent, c'est faire la paix. Ouais. C'est il y a déjà une vision d'une espèce de cosmopolitique, d'une Europe cosmopolite qui ne pourrait plus faire la guerre parce que les sociétés civiles seraient réunies. Hein, que on a appelé ça la méthode Monnet, hein, d'un des penseurs, avec Schuman, avec Adenauer, un des premiers penseurs. Cette méthode, c'était de dire on va commencer par la méthode des petits pas, par le bas. Ouais. Hein, en unifiant les espaces économiques, petit à petit, on va unifier les espaces culturels et on viendra à une Europe politique avec le sentiment que l'Europe politique, on n'avait pas à la définir, mais qu'elle n'était pas possible, hein, qu'on venait de sortir des guerres, que l'Europe, c'était une Europe des nations et que les gens ne voudraient pas laisser tomber les prérogatives nationales, etc. Donc, on s'est dit, par le doux commerce, on s'empêchera de faire la guerre et petit à petit, le commerce va unifier les cultures, va unifier la vie politique. Et donc, ce projet-là, il est déjà présent dans une déclaration de 51, de la déclaration Schuman, qui est un peu la déclaration de fondation de l'Europe. Cette idée d'une Europe des petits pas, ouais. Et que les spécialistes, après coup, vont appeler la méthode Monnet, de dire l'Europe va se construire lentement, par le bas, ouais. Par les unions économiques, et petit à petit, on arrivera à quelque chose de politique, mais sur ça, on sait qu'on n'est pas d'accord dès le départ. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui voudraient une vraie Europe nationale, hein, une nation nouvelle qui serait l'Europe. D'autres veulent une fédération des nations. Ouais. Et d'autres veulent plus ou moins un marché commun. Hein, donc, les Français sont des grands artisans de la fondation de l'Europe. Ils veulent mettre fin à la guerre. Ouais. Mais en même temps, ce sont probablement les plus nationalistes. De Gaulle va être très sceptique par rapport à cette idée ultime, ce rêve ultime de Monnet, de Schuman, d'une Europe unie politiquement. Oui. Lui va être très sceptique par rapport à ça. Oui, alors que les Allemands seront plus... les Allemands qui viennent d'être défaits à la guerre, puis qui doivent se reconstruire, qui veulent plus se reconstruire sur les bases du passé allemand traditionnel. Donc, ils vont voir dans l'Europe très tôt une manière nouvelle de s'émanciper, si on veut, de leur passé et de devenir des Européens modernes. Ouais. Donc, première urgence, s'arranger pour qu'il n'y ait plus de guerre parce que la guerre devient impossible. On est trop reliés économiquement, entre autres, ensemble. Puis éventuellement, ce rêve d'une Europe qui se fera par étapes. On va amener l'Europe sans qu'elle s'en rende trop compte. C'est ça, on va amener l'Europe politique sans qu'elle s'en rende trop compte parce que les gens ont peur de la guerre. guerre. Oui. Et effectivement, surtout la Première Guerre mondiale était une guerre dévastatrice pour l'Europe, des millions et des millions de morts. La Deuxième Guerre aussi, et avec la fin de la guerre qui s'est tournée vers l'arme atomique, les gens étaient vraiment traumatisés. L'Europe était déclassée économiquement, l'Europe était déclassée socialement, et on n'a dit plus jamais la guerre, oui. Mais aussi avec un objectif de dire il faut que l'Europe redevienne une puissance mondiale, il faut que les pays européens redeviennent une puissance mondiale, qu'ils puissent faire compétition aux États-Unis. Et il y avait aussi, on est dans le contexte de la guerre froide là, oui. qui s'établit avec l'URSS. Donc l'Europe était dévastée. Hein, les vrais vainqueurs de la guerre, c'était les Américains et les Russes. Et donc l'Europe restait dans le milieu. Donc il y avait cette idée de dire il faut que l'Europe se renouvelle économiquement. Oui. Et ce renouveau économiquement, il va passer par un renouveau politique qui est la construction européenne. Donc 57, c'est une vision qui évidemment n'aboutira jamais complètement parce qu'aujourd'hui encore, on n'est pas dans cette Europe politique dont rêvaient probablement Monnet et Schuman. Mais c'est aussi, vous l'avez dit, déjà avec ce premier traité de 57, tout est là. Les institutions européennes, la mécanique par laquelle fonctionne aujourd'hui encore l'Europe, elle est déjà placée à ce moment-là. Et c'est aussi, Joseph-Yvon Thériault, le traité de Rome en 57, le début d'une méthode. On met en place la méthode par laquelle va se développer l'Union européenne. Oui, et on pourra dire plus tard que... On peut comprendre certains problèmes qu'a l'Union européenne par cette méthode. L'Europe s'est construite, comme on a dit, par des traités. Oui. Même si elle a un objectif politique d'union politique ultime, ce sont des traités. Et des traités, ça n'enlève pas les souverainetés nationales. Hein. Ce sont des ententes ponctuelles. Et ça crée des organismes indépendants des nations qui vont gérer ces traités-là. Et donc, il n'y a pas eu de transfert de la souveraineté des États-nations à une réalité politique supérieure, oui. Même si l'objectif pouvait être ça à long terme. Et donc, on est resté à l'étape des traités. Et tous les changements après coup, hein, le traité de Lisbonne, le traité de Maastricht, les traités subséquents qui vont modifier l'Union européenne pour lui donner une consistance plus politique, ne seront pas des véritables constitutions de l'Europe. Ce seront toujours des traités. Et ça va avoir comme effet de donner une surprenante indépendance aux organisations de l'Union européenne. La Commission européenne n'est pas redevable directement au Parlement européen. Le Parlement européen n'est pas redevable, n'est pas un exécutif ou un législatif qui n'a pas, il ne peut pas faire des lois. Il est presque une boîte pensante, oui. pour l'Union européenne. Et donc la Commission, qui est une boîte de fonctionnaires, va devenir extrêmement puissante, oui. et c'est elle qui va définir l'Europe, qui va presque soumettre après ça le Conseil européen qui est l'organe politique qui va dicter un peu les règles au Parlement. Et donc, l'Union européenne va devenir gérée par des organismes de type bureaucratique. Ce qu'on va lui reprocher beaucoup. Oui. Et cette méthode du traité va aussi avoir certains effets pervers qui fait que les traités, c'est signé entre chefs d'État. Il y aura des fois où on... Mais sans consulter. En tout cas, il n'y a pas d'obligation de consulter les populations. Il y aura parfois, on l'a vu, des consultations, des référendums. Et quand le résultat ne fera pas l'affaire des dirigeants européens, oups! On passera outre et on signera quand même un traité. Oui, c'est tout à fait ce qui s'est passé au moment du traité de Lisbonne, où on a tenté de vouloir faire une constitution européenne en 2004-2005. On a dit on va consulter, on est dans l'ère de la consultation. On a fait des référendums, ça n'a pas passé en France et aux Pays-Bas. Et on est revenu et on a refait par-dessus la tête un peu des populations, ce qui a accentué la crainte ou la distance que certaines populations avaient par rapport à l'Europe, en disant l'Europe marche sur nos têtes. Elle n'a pas d'imputabilité directe avec la population. Ouais. Donc une construction qui démarre à peu près, bon, en 51, mais 57, c'est l'acte fondateur. Une construction européenne qui va se faire par traité beaucoup, par étapes aussi. Il y aura des étapes importantes dans l'histoire de cette construction. Le passage à la monnaie unique, l'euro, en janvier 2002, c'est une de ces étapes très importantes. Une opération extraordinairement complexe aussi, passer de toutes ces monnaies à une seule monnaie, tellement complexe qu'on va planifier ça sur 4 ans. Comme le montre bien, vous allez entendre ce reportage qui nous montre l'état de la complexité de cette opération. Reportage diffusé à la télé française en avril 98. Choc au rayon fromage. Depuis ce matin, le Brie est européen. à tous les rayons de cette grande surface un double étiquetage en francs et en euros. Incroyable, la baguette à 0,34. Mais attention, ça vaut toujours quand même 2,20 francs. À 4 ans du passage à la monnaie européenne, Leclerc nous offre un petit exercice d'entraînement gratuit. C'est bien, ça peut nous mettre en avant-garde pour plus tard, quoi, nous tenir au courant de ce qu'on aura à payer, quoi. Un peu déboussolé, le consommateur, comme le confirme un sondage publié par Demoscopie. Perte de repères, conversion approximative permettant moins de jouer sur les prix, une mini-révolution s'annonce que l'on prend ici au sérieux. Et pour éviter que le client ne réduise ses achats, on veut le convaincre qu'il ne sera pas floué. 4 ans ne seront pas de trop pour apprendre à compter en euros et en 2002, ça risque de bouchonner encore un peu plus aux caisses. Mais quand on sait qu'un tiers des euros en circulation passera par la grande distribution, on peut être assuré d'ici là d'être chouchouté et d'avoir les poches remplies de calculettes gratuites. Le passage à l'euro à Joseph-Yvon Thériault en 2002, c'est vraiment une des étapes très, très importantes de cette marche de l'Europe vers cette construction d'une Europe nouvelle. Oui, on peut dire que ça a été au départ la grande réussite de l'Europe parce qu'on en est venu, ce qui est extrêmement important, parce que la monnaie est au centre des politiques économiques. Et très liée aux souverainetés nationales. Donc le fait d'accepter une monnaie commune, c'était une étape importante dans l'unification européenne, c'était une étape aussi qui a été acceptée par les populations. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, si on est sceptique par rapport à l'Europe sur beaucoup de points de vue, les gens sont satisfaits de l'euro. Oui. L'euro est considéré comme l'idée qu'on est capable, qu'il y a une liberté économique en Europe, avec l'espace Schengen, qui est l'espace de liberté des individus, oui. Libre circulation de la monnaie. Ce sont les deux éléments qui sont peu contestés. Par contre, on voit que l'euro, encore là, c'est la dimension économique de l'Europe qui fonctionne. Hein. L'Europe a repris de la vigueur après la guerre. Autour des années 2000, elle est redevenue une puissance économique importante. L'euro en fait foi, etc. Ouais. Mais en même temps, l'euro, si on remarque bien, par exemple, sur les pièces de monnaie papier de l'euro, il n'y a pas d'image identitaire. Ouais. Il n'y a pas de personnage européen. Ce sont des calligrammes qui sont non identifiables idéologiquement ou identitairement. Et on voit un peu comment l'Europe est un succès économique, mais difficilement un succès identitaire. Ouais. Hein, comment la monnaie, elle est considérée comme un espace de liberté, ouais. Mais elle n'est pas considérée comme un espace national. Et avec ça, on l'a vu dans la crise grecque, par exemple, on a créé l'euro, mais on n'a pas créé une vraie banque européenne, ouais. Qui, elle, aurait été capable de faire une politique européenne pour gérer les problèmes d'inégalité au sein des anciennes sociétés. Mais si on veut résumer l'euro avec ce que ça représente, cette prospérité économique, disons ça comme ça, et peut-être aussi le pari gagné, il n'y a pas eu de guerre en Europe, ouais. Depuis 70 ans. Ça, c'est à la colonne des succès, des, ouais. Réussites. Du côté des zones d'ombre, Joseph-Yvon Thériault. Oui, c'est ça. Donc, on peut dire qu'il y a un succès d'estime aussi, un des 6 pays qui étaient là au départ. Ouais. On est passé à 12 et après ça, on est passé à 23 avec la chute de l'URSS et donc les pays limitrophes qui étaient dans l'ancien Empire soviétique se sont intégrés. Mais effectivement, à partir de la tentative de créer une constitution européenne en 2005 et le rejet par la France, on a senti qu'il y avait dans les populations européennes ce qu'on appelait un euroscepticisme. Oui. Hein, on commençait à douter de l'Europe, sur plusieurs facteurs. Hein, particulièrement sur l'idée que les décisions européennes étaient des décisions qui n'étaient pas imputables à des populations et donc qu'il y avait un déficit démocratique dans la construction de l'Europe. Donc le fait que l'Union, que le Parlement, etc., étaient un peu détachés des réalités politiques locales, etc. Et donc on a réalisé qu'il ne s'était jamais vraiment constitué une citoyenneté européenne, ouais. Qu'il n'y a pas de peuple européen. La vie politique en Europe se fait encore selon les espaces nationaux. Ouais. Les débats aux élections, on va le voir, là, il y a des élections qui se préparent au printemps, les débats se font encore selon les lignes de partage des espaces français, italiens, anglais, etc. D'autre part, une grande critique qu'on fera à l'Europe, c'est que l'Europe est restée une Europe de libre marché, ouais. une Europe économique très libérale, et que l'Europe sociale ne s'est pas développée, ouais. Et qu'il n'y a pas eu vraiment de transfert de budget des nations migration vers le marché, ouais. vers l'Union européenne, ce qui fait que l'Union européenne, c'est un, certains vont dire 4% du budget national, mais je veux dire, c'est minime, alors que les pays gèrent 45-50% du produit intérieur brut d'une nation. L'Europe, donc, n'a pas pu développer une politique de solidarité qui est à la base de la citoyenneté dans nos sociétés. Ce qui fait qu'on se retrouve probablement à une espèce de croisée des chemins, parce que cet euroscepticisme dont vous parliez, il a atteint un sommet au Royaume-Uni en juin 2016. Une nuit entière à compter les votes. Puis, au lever du jour, les Britanniques se sont réveillés dans un nouveau pays. We got our country back! Matière à célébration pour beaucoup, une grosse déception pour bien d'autres. Dreadful decision. Dreadful. Yep. En déclenchant ce référendum, David Cameron avait fait le pari de faire taire une fois pour toutes tous les eurosceptiques au sein de son parti qui mettaient son leadership en cause. Pari perdu. Si le Pays de Galles et l'Angleterre ont voté pour quitter l'Union européenne, il en va autrement de Londres, cœur économique et politique du pays. L'Irlande du Nord et l'Écosse ont aussi toutes deux opté largement en faveur de l'Europe. Le vote pour le Brexit a ouvert une boîte de Pandore. Extrait d'un reportage de Jean-François Bélanger présenté au lendemain de ce référendum sur le Brexit en juin 2016. Ce Brexit, Joseph-Yvon Thériault, crise passagère ou plus que ça, début de la fin, c'est peut-être beaucoup dit, mais enfin, début de la fin. Oui, mais c'est une crise importante parce que c'est la démonstration que l'euroscepticisme, qui était souvent marginalisé en disant, écoute, c'est la droite nationaliste, c'est les populismes, etc. Là, dans un grand pays européen, l'Angleterre, ils ont une majorité. Et c'est une crise de l'Europe parce que le Brexit, c'est le refus de terminer la dimension politique de l'Europe. Ouais. Parce que l'Angleterre, il voudrait bien rester dans une Europe qui ne serait qu'un marché commun. Ouais. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est les régulations politiques qui vont avec. Et donc, il y a vraiment un immense débat actuellement en Europe, à savoir, est-ce que l'Europe va rester un marché commun? Est-ce qu'elle va revenir à une espèce de fédération des nations comme elle l'était dans les années 60? Ou est-ce qu'on doit aller plus loin? Macron en France, par exemple, et Mme Merkel en Allemagne, aujourd'hui, il propose de dire, mais non, il faut faire un pas en avant et peut-être que l'Angleterre sortie, ça va nous aider parce que l'Angleterre était réticente à aller vers une Europe plus politique. Mais je pense que c'est une crise significative parce qu'effectivement, ça met en place les limites d'une Europe qui avait été construite à travers les traités. Joseph-Yvon Thériault, professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, auteur du livre, je le rappelle, 7 leçons sur le cosmopolitisme, agir politique et imaginaire démocratique. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.